Pierre-Louis Bat sur Europe 1. Nous sommes très heureux de vous accueillir, monsieur Uderzo, bonsoir. Bonsoir. Albert Uderzo, donc pour votre nouvel album, le 33e, je l'ai sous les yeux, le ciel lui tombe sur la tête, alors on va parler de tout ça bien sûr, et avec les auditeurs. Nous sommes aussi heureux d'accueillir Pierre Valls, bonsoir. Pierre, vous êtes directeur de collection des éditions Pika, du manga. On a voulu ce soir tenter de créer une alchimie entre entre la potion magique et les mangas qui se portent toujours aussi bien, et c'est un phénomène tout à fait intéressant. Frédéric Vidal, qui est avec nous, directeur du magazine Bodeuil, bonsoir. Et Richard Malka, avocat et auteur de BD, vous-même, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Paul Gravette est avec nous? Il est là, bonsoir Paul. Bonsoir. Vous avez réalisé un ouvrage important sur les mangas, 60 ans de mangas, et bien sûr vous pourrez aussi nous éclairer. Alors, première chose, figurez-vous, parce que j'ai eu des chiffres qui m'ont été communiqués là par votre garde rapproché, monsieur Uderzo, et je dois dire que même si certains Belges vous critiquent ce soir, il faudra d'abord leur répondre, parce que c'est... Ah, d'accord. Ils ont quand même allumé au chalumeau. Hein. Apparemment, ceux qui vous aiment n'ont pas entendu ces critiques, car à 17h ce soir, sur la France et en Belgique, 400 000 exemplaires étaient déjà partis. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est aussi vite que du petit pain ou de la brioche, mais ça vaut le coup de mouiller la chemise. Ah oui, je ne regrette pas de mettre... mis dans cette espèce de cavalcade insensée qui dure depuis 15 jours maintenant. Depuis 60 ans. Ah, puis depuis 60 ans, bah évidemment. Ouais. Alors, Diane Chenouda était très maligne. Elle est allée faire un petit tour dans une librairie. Vous savez bien sûr qu'il y a une rue Goscinny, dans le 15e arrondissement. Oui, bien sûr, Goscinny. Voilà, avec votre compère de toujours, qui nous a quittés en 77. Oui. Et Diane est allée voir un libraire, histoire d'un petit peu de planter le décor et de voir un peu la température. Écoutez, on l'écoute. Et j'ai su qu'il y avait une rue Goscinny, je me suis dit que c'était l'occasion de concrétiser un vieux rêve, à savoir un lieu où rendre hommage à René Goscinny et à l'ensemble de son œuvre dans toutes ses dimensions. Astérix bien sûr, mais aussi toutes ses autres créations, ses domaines de recherche, et le journal Pilote, et Is No Good, Lucky Luke, Le Petit Nicolas, Oumpapa, etc. Enfin, je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai appris à lire avec Astérix, il m'a fait énormément rire bien sûr, il continue à me faire rire naturellement. René Goscinny est l'un des très grands créateurs du XXe siècle, un humoriste de génie. Quand on parle du village gaulois, le thème du village gaulois, quand on dit il est tombé dedans quand il était petit, quand on dit il veut devenir calife à la place du calife, ou bien il tire plus vite que son ombre, tout ça c'est du Goscinny. Ils sont fous ces Romains, évidemment, c'est du Goscinny. Et il y a des tas d'autres expressions comme ça qu'on emploie sans même y faire attention. Les personnages de Goscinny ont vraiment imprégné la mémoire collective de notre société. La mémoire collective de notre société, c'est forcément très émouvant d'entendre ça. Oui, et puis c'est un hommage à tout juste et parfaitement donné pour ce grand bonhomme qui était René Goscinny. Il est évident que cet humoriste que je connaissais évidemment ô combien, nous avons mangé notre bâche enragée ensemble dès le départ, et nous étions tous les deux pris d'une passion insensée pour le métier que nous allions faire et qui n'existait pas à l'époque. Il faut remettre un peu dans les conditions dans lesquelles nous travaillions à l'époque, et il fallait être un peu fou pour entrer dans ce métier qui, encore une fois, qui n'existe pas. Bref, nous avons réussi une chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout, mais effectivement, c'était un grand bonhomme qui avait un humour très particulier. Vous savez que il a eu du mal à s'implanter dans ce métier parce qu'on le considérait comme un humour trop intellectuel. Moi, j'avais aussi la tare de faire des personnages trop grotesques. Bon, vous voyez, on arrive à s'en sortir quand même. Vous avez commencé, je me souviens, on a publié Frédéric Vidal. On a publié dans Bodeuil ce mois-ci votre premier dessin publié, date de 41, avec cette histoire de corbeaux et de renards qui demandent des tickets pendant la Seconde Guerre. C'était texte et dessin. Déjà de l'humour. Je voulais absolument m'adresser à quelque chose d'humoristique. Si plus tard j'ai fait dans le réaliste, c'est parce que j'avais besoin de gagner ma vie. Je prenais tout ce qui se passait, comme dit l'autre. D'ailleurs, j'aurais dessiné le bâtin s'il avait fallu. Vous l'avez proposé. Que disait René Goscinny? Il disait que vous seriez capable de dessiner un combat de poulpe dans la gélatine. Ah oui, je crois. C'est on l'a jamais vu, ce dessin. Non, il m'a échappé ce genre de truc. Mais bon, s'il avait fallu le faire, pourquoi pas. Bon, pari tenu. Pour aujourd'hui, non, je pourrais plus. Alors, ce qui est bon quand même, hein, c'est que là, en effet, il y a une vraie alchimie, un respect de vous tous autour de Uderzo. Je voudrais quand même qu'on parle un petit peu du nouveau scénario, de ce nouveau livre, sans dévoiler forcément l'histoire, mais c'est quand même une histoire très nouvelle. J'ai envie de dire que c'est très en phase avec ce qu'on vit. On a peur de la grippe du poulet, grippe aviaire, on a la météo nous inquiète, il y a plein de choses. Et là, c'est plus légionnaire qui inquiète le village gaulois, justement. C'est une espèce d'arrivée d'extraterrestres avec des personnages figés au début du livre. Et c'est très, très étonnant. Oui, ça bouleverse un peu ce que l'on connaît, évidemment, des aventures d'Astérix, parce que on sort véritablement de l'Antiquité, bien que le village reste toujours, lui, ce qu'il est, et ce que l'on connaît de lui. Mais je me suis amusé à me dire qu'après tout, bon, les extraterrestres dont on parle tant aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas existé à l'époque de la Gaule, les Romains? On m'a dit d'ailleurs très sérieusement que au Moyen-Âge, déjà, on donnait des témoignages d'une existence de personnages issus de l'au-delà. Bon, donc, n'ayons pas la prétention de croire que seule notre époque pourrait connaître ça, si ça existait. Quoi. Est-ce que sur ces 33 albums, il y a eu deux moments où vous étiez avec Goscinny, et puis il y a un moment où vous êtes seul. Est-ce que parfois, vous n'avez pas le sentiment que le fardeau est lourd à porter? Oh, bah, je pense bien. Vous savez, à chaque fois que je démarre une nouvelle aventure, je me dis, c'est la fin, je n'y arriverai pas. Et le premier que j'ai fait, d'ailleurs, qui s'appelle le Grand Fossé, c'est un pari stupide que j'ai voulu faire pour des raisons XY, et sans savoir où je mettais les pieds. Ouais. Parce que, est-ce que les lecteurs me suivraient? Est-ce que je risquais de perdre la face si je me loupais, quoi? D'autant plus que certains m'attendaient au coin du bois. Et voilà, donc j'étais jeune, j'avais 51 ans. Est-ce qu'il y a des moments dans le dessin, dans la création, dans vos planches, où comme un chanteur, vous êtes fier de tel ou tel dessin, plus qu'un autre? Il y a des moments où vous dites, ah là, j'ai réussi quelque chose de fort. Oh non, vous savez, moi je suis toujours très en arrière. Je ne me porte aucune gratification, je ne dis pas que je suis le plus beau. Et je n'ai pas un dessin particulièrement qui m'ait donné une joie quelconque. J'ai la joie de travailler, de dessiner, bien sûr, mais je ne me mets pas à genoux devant un dessin particulier par rapport aux autres. Non, au contraire, j'ai toujours même le complexe, par exemple, vis-à-vis d'un garçon comme André Franquin, que je considère comme le plus grand des dessinateurs humoristiques, j'ai toujours un complexe terrible vis-à-vis de ce garçon. Et je persiste à dire que c'était vraiment le plus grand de nous tous. Comment vivez-vous les critiques très dures aujourd'hui en Belgique? Enfin, pas tous les journaux, mais il y a eu quelques plombs qui sont tombés. Le scénario n'est pas à la hauteur des Astérix qu'on connaît. Vous apprenez des choses que j'ignorais tout à l'heure. Bon, bah, c'est bien, je vous donne une info. Oui, bah, vous prenez ça comme des jalousies ou comme... Maintenant, vous savez, j'ai le cœur épais parce que je subis ça. C'est pas les premières attaques que je subis depuis la mort de mon malheureux ami. Évidemment, on ne m'a pas pardonné le fait de continuer cette série en solo. Et donc, bon, bah, au départ, évidemment, j'étais un peu chagrin. Et puis maintenant, vous savez, je m'y suis fait. Pierre Valls, Frédéric Vidal, Richard Malka et bien sûr Paul Gravette. La BD, au-delà, bien sûr, hein, du tsunami Astérix, et la BD, elle est là, elle vit, elle crée des passions extraordinaires. Il y a une première raison à ça. C'est que quand on va dans des grands magasins, quel qu'il soit le week-end, ce sont des milliers d'ados ou de plus ou moins jeunes qui lisent et qui restent. Alors là, il y a peut-être un constat qu'on peut faire, pour en revenir à Uderzo, c'est que si la BD a obtenu ses lettres de noblesse, aujourd'hui, et si la BD est un média qui est totalement reconnu, c'est aussi un peu grâce à vous, monsieur Uderzo, qui avait fait ce travail. Grâce à Hervé aussi, grâce à des grandes séries qui ont bercé notre culture depuis des décennies et qui ont permis d'obtenir à la BD ses lettres de noblesse. Donc nous sommes tous un petit peu aujourd'hui les enfants de monsieur Uderzo et Berger. Alors c'est vrai que... Mais je ne vous appellerai pas papa, rassurez-vous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui... la BD a changé de statut. D'ailleurs, ça serait une question peut-être intéressante à poser à Monsieur Ederzo, de savoir comment il a vécu ce changement de statut d'auteur de Bulle et de Mickey à un espèce de monument national, une légende. Oui. Je vous dirais que de ce côté-là, vous le savez d'ailleurs, puisque vous faites ce métier, on est abrité derrière nos personnages. Disons qu'on n'a pas affaire directement à un public. Tout ça est abstrait. Donc, on ne se pose pas la question de savoir si on est aimé par quelqu'un. On le sait par le nombre d'albums que l'on vend, évidemment. Mais c'est très indirect et c'est encore une fois, c'est très abstrait. Alors, la progression qui est arrivée dans ce métier, évidemment, quand on a vu les chiffres monter comme ça a été notre cas, on les accepte, évidemment, avec une joie profonde. Et puis, bon, on se fait à l'idée qu'on a peut-être tous fait quelque chose d'un peu particulier. Non, ce qui compte surtout, c'est l'approche du monde extérieur vis-à-vis de la bande dessinée. J'imagine que c'est ça, de ça dont vous voulez parler. Bah, nous, on a commencé à voir, par exemple, le monde enseignant s'approcher de nous et nous demander d'ailleurs de passer des vignettes dans les livres scolaires. Mmh. Pour nous, c'était une revanche extraordinaire. J'avais des extraits d'Obélix et compagnie dans mon livre de Sciences Éco quand j'étais au lycée. Ah, c'est bien, c'est du beau. C'est vrai, à la place de la courbe, la croissance, on avait un livre d'Uderzo montrant la courbe sur un plaque en marbre. C'est toute la force des images. Je veux dire, les histoires racontées en images, c'est assez universel. On retrouve ça dans tout. Bon, là, on parle de la France, ça existe aux États-Unis, ça existe au Japon. Donc, à partir du moment où c'est fait avec du talent et de l'humour, dans votre cas, je veux dire, ça passe, quoi. Est-ce qu'on peut dire, Pierre Valls, puisque vous êtes directeur de Pika, c'est vraiment une maison d'édition de manga, et puis je pose la question également à mon camarade Paul Gravette, qui est à Londres, auteur d'un livre 60 ans de manga, que c'est une autre BD qui s'est installée, imposée, petit à petit en France. Alors, cette BD, donc, venue déjà du Japon. Oui, le manga en fait a pris une place que la BD franco-belge n'occupait plus tellement. C'est-à-dire, en fait, elle est venue combler un vide. C'est-à-dire que quand on se souvient de l'époque de Spirou, etc., la BD franco-belge comblait un peu ce vide. Et aujourd'hui, il y a la BD, c'est un peu vieilli. Les thèmes abordés. Quels sont les Spirou, ça existe toujours. Oui, mais c'est moins fort. Il a manqué un petit peu, à mon sens, de renouvellement au niveau de cette BD-là. Et c'est vrai que le système de narration du manga a aussi révolutionné un petit peu tout ça. Et donc, à mon avis, c'est ça ce qui explique un peu le succès du manga. Mais ce qui est intéressant... Vous voulez dire que vous êtes un moderne et que les autres sont les anciens? Pas du tout. Une certaine BD franco-belge, oui. Mais regardez, quand c'est fait avec talent et humour, ça marche. Astérix, c'est ce qui se vend le plus en France, c'est pas le manga. Faut quand même pas oublier ça. Donc, moi, je vois ça un peu comme ça. C'est-à-dire que le manga a pris une place que la BD franco-belge avait un peu oubliée. On se retrouve dans un instant.